on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella poutine, à la bella poutine, baby, baby. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. Make her mine, all mine. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. When you turn and walk away, that's when I wanna say, come on, baby, give me your world. I wanna know if you'll be my girl. Les plus grands artistes des années 60. Quelle tu es partie, bang bang, tu m'as quittée.

Nostalgie 60, la décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. I don't wanna stop now.

Nostalgie 60. À écouter sur nostalgie.be. Nostalgie.